So, yes. So, yes. Naya Toyo Oya. De belle nana. J'arrive. Oh là là. Mangou, mamae, yako tumba, yako ita, yako kalika, wamba, au Cameroun, les Ivoiriens, les Gabonais, les Capverdiens, Angola, Congo Brazza, les Béninois, le Centrafricain, Tanzania, Zambie, Kenya et toute l'Afrique. Techno. Excellence Paul Jonathan Cyril Kina, Edon Sosa, Armand Sosa, Jif Noir, Ben Mukasha, Mona Malembuena, Le Sapelope, Jacques Mawanda, Yakarim, le jeune producteur, Junior Badizé. Allez, Domingo, Domingo, Magou, Bonaparte de Gopou, Amène Bagayo, Domingo, Magou, Solon.com, Abitouré, Blanchard, Universal West de Libreville, Elie Mangala, Robert Braza, Africa numéro 1. Denis Zengi vient, Denis Mantaki Yaka, Gisèle Taou qui vient, Makou approche, Claude Foumou, Makou Wayake Ndoko Yaikerai, Chéri vient, Makou Doua, Doua, Doua, Mamadou Arise Yaka, Makou Ta, Makou Ta, Makou Ta, Ya Pascal Mbongo, Makou Yana Kwise, Yannick Molele, Len Lunda Kensou, Dali Monka, Ade Mona Natika Gamonga, Akoli Moyao, Vous les barons, Zete Naruna Gamonga, Ekoli Moyao, Chino Assis, Lebe Chekrisan, Matu, Moyao, Claude de Monseca, Elmeo Sami de Bosse, Sommet de Sommet, Moyao, Maja Kouakouka, Hier, Divina Nusso, Général de Danilo, Moyao, Francis Dema, Francis Dema, Moyao, Oki Mumba, un Freddy Ngoma, Berthe Monsoul, Bozi Kiala, Opesi, Opaki, Enzo de Bondi, Teri Mongita, Matata de Bundes, Trésor de Katon Asha, Makata de Bino, Alpha Mbungu na Chateau d'eau, Action Zakoto, Papi et Sayo. Double One Business, Maître de Mabé. Didier Ndengwa, rien à dire. Misha Keva, Didier Moukonfi. Kambaka Musuna Mestre Benichi Ndowi soit na te, to bunda te. Patrick Makoda, si wambaza, Charles Lunda, mana Germain Van. Yabisa Gina Ekina, makamu na bango etalinga te. Akrisa Kousou, Chantal Sanou, Mamae, Luciana Compressor, Odin di Kabaka Chateau Dou. Vero Mango ya bakila ba champion. Jessica Limousine, Chania Yetene. Manager Yapoli et Longa Kolo Bila et Male Malema Fake de Fake Force Maître Tchou W Papi et Tembis Mami Carnaval Mami Bela et Sama Souda Naboite ezamu sala olamukaka tongo tipokwa oluka mbongo poto vivre na bana mais affection et pas inangai mwasi na yo na kuzwa ngo mikolo nini ah mawa mais je t'aime toujours Diego musique afula bonne chance Boli moya Diego ibi matondo Diego lela Ibi matondo Diego alinga kayo na motema kolinga motona katia motema pesa na ngokaka loya na tio plan d'une pemba loya de la natire lo babu yeu kengomba ta koni nenge nini jamais mokila ne ningi sakaye Kevin Nasco loya de la natire lo bali susu boye kezeme tenza ya bana mapasa bakumbaka sena mwasi moko Ibi matondo eske na azali Motwa liboso chana motema Purko komyo nyo kole sinangai Eske eksela sezali na motema Ida okapi ozole kyo bengo nga bebe Purko komyo chanje No makani si dorote mafuta Nidiendenga Maya miso fabrikas Nidiendenga Babu wakate babe sango basango basala obenite Basuko la banzele toyo basanga Bajo mau mau mau mau Ah Dango yo kaka makele la manzaza Pana ya petro Ranom Dango yo Makele la mabaya Pana ya shiraj Dango yo kaka Makele la milangi Pana ya vermi Rimel Dango yo ki mongo mwe Janice Ya pilo li no li Seke ambilance ye kozonga Bosa moni boli mwe zambo kanangate Tala na lobi no mona pasi nanga Nenge soko la kaka Yo zala kele pasa ya Oyo ya ngay Boni le no Papa munda kwa tiki nga na troate Pitye Para nga mbona zan kole la boli mona ngay Dize alisi baba mbe Tepi maka matopo njite boni yo pini nga boli mwe Na komi loko na mwana soso ano keli mula libanda Na pemeni ya ebale ya luven kalunda ngay Zedix Martin Sentiment Pati mabolo ku direct So gezi maka bona zalaka na nga cool Gason kapable redo mwana nzinga na luanda Na narobe lobota Jose de Londres Abe Mister à Paris 15 mais allez yo Florian Miokono Motema ya Samba Umba umba ya chacha La muna nga etele nga ni La muna nga etangi parmais La ki carré comme i rectangle Galante koko ma siakle Non non Ni kuba na le chateau Gipsom ya vanga eh Sana yo le kyo yama Bako ma bebe ale yo mane bo soko boko Pesta na ata mwana ma bezi na chuke lomboto Mwane na togo, mkotika na semikuwa Mwane mga peti, yusala nga présent pe solution ta mona zoka ba problème le loka manti kama nu mwendo lokola koma ya soma si tikala na mona baba kiso to maone na mona baba nisimo solution na komi confondi ta koma ki mambo katolika protestato metodiste mama Olivier Moko Pamela Mongo Ibroki Mbuleri Kena Poli Lipemba Ivi Makana Yadie kwa mizi Jana Petro Lepa Shoma Tube Alfa Kukule Tosala kino bolingo Yolandi na yomba Ivi Miso na Viso Tosala kino bolingo Yolandi na yomba Yomani Papa Foya Foya Keko Miso Sosa Nela Kaya Ipa Shikaya Ivi Tandani Yosali Boso Bato Komona Nali Susu Musa Milanga Yokami De cœur du Kimber, cœur des diamants. Ah, bah si on bat sur la boca, y'a des sangs, y'a qu'on s'en a pour tout qu'il y a des gouvernes. Yo, tangi, si, non, pindolina, ravi, tantara, mi patare, pour l'empatara. L'aussi, à sa beauté, sa maquillage, bolingo, noé, boinga. Loko la malo bebo ya kama noka baba Ayu baka baka ba Jilie mbala wapike loro ni maken Fediki mana Christian mandani Sebo noka kole da major Christel des affaires Dani chobo no vimbomba Lodo polo Ki onda se finiti sekirite Mote mana nga no no Lopoto Eric Lucasi Didier Duma Yer Zol Ebe moi je crois que tu étais la fleur Qui fleurit dans le désert Bien pour musique Amstrezo Les frères et possibles Mais quand je suis dans tes bras, na koma kalokola, moi na moke. Jeli kafuba. Ataba lobi na sangi fortin sa mena pesa kama sala. Tu veux vraiment na sala louange avec un meilleur na kasi a paradis. Nenge ba yembaka trois fois ça. Sylvie Mambata, maman ne sauce na agladi. Mokolo ba pesa kinga visa ya bolingo. Buku wa yekoya, passe par na kasi a bali. Marikani lido na jaki kre magique. Kaka bona zekiri. Périmètre à Bolingo Olivier Malemba On a raté volé à Bolingo Banguna Batoli Soni sobe zaka na magolo mele Boutinga Chico Mama Soni sobe zaka na magolo mele Boutinga Peter Kokobi Marcus Makani Mamadou Arishe na Melite Na Lambote Nazana Kuita Mbendate Na Melite Na Lambote Nazana Kuita Mbendate Wale Na milite, major pisadite, zwanzango na milite, mama. Na sana kuita mbendate, wale. Mita harmoni, taille magnifique. Redo mwanzanzila na luana, incroyable apocalypse. Manulu baka e, eomene gamba. Trisson de la rive. Yanadoumaï, Blaise Loubaki, ya Diego, Maître Jada, Anel Manda, Gabi Moumbiri, Tamawale, Alpha Soumou, le prince de Scandinavie, Jem Moustar, le roi Makiese, Naligé Asalam, Alongalina Ramosso, Yusuf Péchant, Chéri Okomi Singa, Kiwele mon bébé, Eric Mando, Nasalanini, j'suis devenu fou chéri, Front Yukao, Yo Mokonde, Yo Bakinanga. Kina. Papa na bolingo imbi matolo Papi mutoba Baebi noblesa motema mwana motoke dinoe Yawe rantone mielale Kefe maestu Salama sebo ye randi orto nangokwa Na bolingo mako basu Apule de Bruxelles Il fam ki se respect Boka mwate zama Blondine pe Jean Didier Kikwata Kolinga motalinga kote nanti Mogo risko koma kyol Lionare ya la pesa motema na kati moyo mae Seri na malinga kanda ben Yela ye mulo Victor, samba wa ino Ibi alinga kaba pule mwa pepe Shwa bon chanteur, deuxième épisode. Sonia Kwafir Mangala de Monga. Bolingo ya nana yo, biso batoto mesa na kalo kola bana mapasa. Uko change chemin, tiki ngana nani. Na koma kase kole la katango nyo za soufase. Bébé qui gombe. Oh chérie, sans toi ma vie n'a pas de sens. Aïe aïe aïe, mon témoin zato mon bimbanga n'a pèse pas ina yo. Pour le tirer le meilleur, son kito si tole. A tato la ligne dans la gauche qui zola. Accident, y'a bolingo mon amour. Photo Joël Benteng. Ma komi kole la yo Nathalie Pouni mama ye. Ma belle boko no malade ye banite. Et on ne va soucier à you. Non, non, ma cesse. Ma tombe lio, me kachere ni melanda. Loko la ba Christo kalaba tombe la zambi. Boyo ni mama papa. Boyo ni mama ale ma teti. Prof mon papa, Pierre et Binda. Germaine Bidina Djarkata. Gof Kizola mon amour. Tamati nangana yona katia jardin d'Eden. Toko la dama Eva poto kabwana te. Zozo Bekiki. Diable no kiespi mabena nya ye koko sayo. Mireille Senga, mama na Golmis. Yango na pona. Tapona nangale kuna de weran suma. Roki de Katle Soba de Soba. Tazala wanga wa motema papa. Fis Kinkela. Polingo nangana. Ya Kelor Kidoum. Pourquoi zongi selinga yango ya citron. Mais mon oko nango teme sana nango nama iti. Ale Bola, Flori mon ampou. Golf Kizola, obo mi mande kokoma. Na na na na na na na na na. Na koko fanko na yo. Yonde mo bala suka oyo ya vinama. Bébé Gouti, Lara bébé, Nada MP3, Jenny Biglopele, Grâce beauté divine, Stéphie Kembola. Nazolé, la lé, la lé, Capitaine Ambara de Saint-Ouen, Talamondi, ma komi, kolela, Zéro, on a l'eau. Tondo Serge Kinyambi. MC Lubaye. Hippolyte Masungi Mokunzia Bobini. Cha cha cha cha cha. Général Davira, Général Dengue, c'est la discipline. Wow, baby, Garmi, Yadi Bakoué, Yoko Nyoko, Lozi, Komaye, Christian Diavita, Wanina Bako, Yoruba, Baba Wana Bandira Pou, Nana Lembi, Koko Yaye Pasi, Tadou Mengi, Deli Wao, Cha, Cha, Cha, Cha, Féro Yamangoy, Pichumbongo na États-Unis, Raoul Itono, Sami Ndombasi, Roger Sunga, Tour de Contrôle. Nyangote Bolingo, Chibilu Wendo, Bolingo Milore Timbe Komyo, Tamu Isanga Bongo, No Ivanda Jona Lela Yo, Jamende Tamange Botavi Tabe, Pourquoi Yabisa Bolingo, Eboti Separation Chancele Yo. Restaurant Kenzo et Benoît 16. Niklet, Samo Bobo Yako, Boko Luke La Yende Liwa, Yagaka, Alpha Mungwe, Loko Kachwa, Songa, Apocalypse, Vela, Bomo Teme Komo Beta, Loko La Yeguya, Seconde Na Montre, Ayy, Mo Teme Komo Suwe, Ayy, Ayy, Ayy, Ayy, Mama Weaver, Ayy, Bolingo Komo Jotanga, Ayy, Ayy, Ayy, Ayy, Yaya Chou, Ayy, Soke Oko Beta, Ya, Tetanga Na Pimbu Ba Bete Laka, Lamanga Na Nzongu Ba Lambe Laka, Na Bolingo Te, Seba Ta Bolingo No Epu Sinkele, simba koto yo kude kuna ko simba te mwana nyoka to kosime na baga ya na wela lingaga ya na wela lingaga la voix basse boli me bebe jinga mbaka na mokongo cette fois-ci na mure koti matungu le koti ba ebi se koti pilipili comme au sala adios voulant tout le bougar de span rifa sainte opela kalito ka boli bamba na ngai comme si ndoka ki butu samir de la plaine olugeli na nini esogeli wate panzanga ya jour kokanisa boboche kabima sylve kinwe sigismo na lela yo chale 60 j'ai 13 ans apesaki yo privilège osimbanga esika tolingi ngaye bato nazalaki nyoka yo melinga restaurant pable lelo komisinga lokola nyoka pharmacie etene tasanga lisusu te nakomeli okomamaa mpona yo Kelly la star, Lord Jean Kabila Landou Muzinga Bachéri à LCL combattante de golf Nutera Champagne Chez Pauline Djongo, maman ministre Galitone Mouti Gabé à Tembo Armand Sosa Wapi méthode moulenda Ma chérie, mais on va la gantre Fana ma yimba Kope santa te lengi Na ye Na kome ope la pona yo Jacques Mawanda Kase ya rume Mwana nyama Chérie, pena satima Mere sasa Na leli Chérie, pena Francisco Mbalu Sova ya termina Na leli Chérie, pena satima Eritien Tiona Cyprien Tolo na Bruxelles Matika mwanga na Bezini Banda esika moko ebungisa biso malobate Ligue des champions Alain Koutoula né dans une bonne famille alors minimum de respect Alain Koutoula boni comme une kosalanga bongoe isala kitangwa pokwa usiminga loboko wana tokei ase komo boyango na monyo linginga lisusu te kokamwa Ambara le gazon blaze arme fatale Eloko ya pasi bato bakosekanga mingi ndenge na loba Nakutika te ale nakotinga mayolo kola sonzoe Nakusenga se loba e verite eko blese kase ko pesa nga leson Benoit Mikobi, Angel Ziki, Judith Nzonzeka Pardon basenga kanali kambo yebinga na kosa te Na kotala sena miso na boi lobi bako nanenga Jedone mutongo kachaka Aiko mokisu konsena nga ya liboso ya mo bible So kina sala kimabe Ebo nga kyo limbisanga Pardone Si andongala tosta seke ligulu Ana kutula bako benga na kamosi pona soni teo Noki ako songa ndako Eko sala sone pa ya mavoisin Lika monyo so kutula e champion Eko se makaka solisyon Awa oweleli kobima peko kende Eske oyebinze la Chantal Sanduku President Tidona Lukumbashi Giki Mienembo Ale sasa na Irlande Ale koutou la bolingwe se nga ka verite Me souvato salaka le kontre Moto kolinga kolinga yade Na matematik batangi sa biso Reflektivite Andi manaka takiba forme Yaweli ka embe na leli Flèche d'aller est accompagné d'une flèche retour Alain Koutoula na linga kayo Papi le blanc monte main Natacha na leli Vola bela e ata vula e koya Bez buku Na kokanga monte mate Na kose la Alain Koutoula Na zala ki avegle na bolingo Puna confiance Na le manga kote la miso a kokanga Nzoke pola moto na zwa ki bebe na bolingo Natangi si yiboli mwa kompanda komo triche Poya resi Nenge bana kelasi balo baka etite pour comprendre Triche pour resi Ale koutula yo bo inga ye Ola bela ye ata vula e koya Bernard Siasia Kokanga mote mate na pose la ale koutula Magistrat Chamala Hôpital Tradu Moderne chez Maman Laurence Zika nalona ye Maître Eric Mavou, maman Samba, Samba, Karikita. Nelson Kolo Kwanga Pana Banyala Oh Baki Maka Njama Na Wenge Maka Nisaka Kote Ka Maka Yabwe Voila Bado Kolo Mwape Mana Wenge Maka Nisaka Kote Ka Ndembe Mama Ba Oyo Babi Mwape Mana Wenge Babi Maka Ndembe Mana Fenete Enda Se Kutu Wate Kaka Mwana Wan Zambe Zambe Yambo Yaka Yete Amene Ye Lika Colonel Kaso Francis Modena Na Chansi Colonel Elvis Lika Mwana Mwanda Metre Boris Zambe Yasu Ye Nakatia Parlema Yanyama Serge Kadim Viki mon père Parfait Kanda Aloba pe alemba Va répondre à yete Yo, Mama Yvonne Kabwe Lulu Andy Manaka Colette Chomba L'option Marie Delugui Daniso Soy Morta L'honorable modiste Touré à Gaga Pomme Seni Sakinga Sepenena Yo Lokula Wassalo Mosca de la Nevi Merfi Parfait Sol, mon continent Bolingo, Azalakate, le gouverneur compétent du Bas Congo, Bachimbacha. Bible lobby, c'est un bon copé, ça y a quasi mon tonini, y'a quoi c'est? Danou Ilaya, Raina Komi, Bissena Senga, Alain Soudi Zimamoto, Gilles Aboubakar. Bunga ou mena katana mokili, a profita kanakana, Georges Lutula, a pique pique malaria, Sandra Kimfudi, Naime Kolebele na mokili, na sofra kete na bolingo Claudine Kinwa, Alain Simin, Zola Tamano kete la nana désert, na konsa la marche, journée ville morta bolingo lili mouchi, na bandera na koko ma trois mois non assistance, ma weza la kan expérience, c'était une fidèle caterpillar. Donc, fait la soque, on fait le yoko, le la carte. C'est truc, ouais. Attends, soit pas que ce que je suis couillot, le lamba yosina. Pataba, ouais, ce qui va bouillot, complètement caca. Ma belle qui m'anime, n'a pas le bâté, n'a pas tout. A quoi décourager, n'a pas trop ça, et tinda yan zambé. N'a vraiment bon mère qui sara, aucun de koboma isaké. A décourager, te puisque ça, et tinda yan zambé. Popol tombo. Maman, non, l'autre molly show. Mama princesse, just chimanga Daddy Kimberly Francis Mundabi You never prefere nanga mama lesanga na po bebe Apimela nga libele, rigoto mbala biscotte Mondele ko lesanga te frite, motona kuna ye Unanga Kimberly Nixon Boutique Zota Mundele You never chase nanga zamba pesanga na mokili Nanga pesa ba Senegali Ngumba Barabe Petrol, pardon ko kati sante Mondelo Nathalie Pungi, maman, n'a sait. Nido VIP. Qui perdit un ticket pays la guerre. Ou pas qui m'onda n'a pas tête. Déclaré dans l'exil, non, t'as des missions. Ambilengi. Déclaré dans le Benayo, y'a José Makila. N'a pas de la Zambananga. N'a n'y a tu bilo konanga. N'a n'y a goûté bilo konanga. Olivier Maleba Moussa Kansai. Mani, mais quoi de la fille dans le monde. Franky Langa fait son manissa. Angèle Mwanza Matata de Bundes José Lima Kouata Tere Moussikelo Quel que soit qu'on derrière l'Ikambo Solution mon anaka kakae Atali wa pesa solution Baye ma belle en vous la soni Echec pesa solution Pombala ya simana salama yele Koka buona pe solution Na boli mweza li kotambo la tengu C'est lui qui trouve une femme Trouve le bonheur yangaï et comme le contraire kaka kolela Maman y'a bisanga zoki moko lobota kingo swana kina docteur Bokole la langala matoyi mayo et comme il okula mopaya Aziz ma kukula Mouya war Céline au koto Mende koute miloko nanga olidia bila tete tigana Oh mama wolo wodi dien tango moko njangaba Dekore na rumbwashi engineer Maloufunda, système motofé. Nasa député de Médangoko d'Assemblée. Mira Lingema. Restant pour chaque motion, l'angéza à Bolingo. Papa n'a ton moussito, par la mabidjo, pesa qui me dit. A ton racité d'amour, un corétien 23 écolo. Dani n'a pas les mains à la bonne yo. Maman n'a pas les mains, toi, ton soleil, gonga. Mais ta goutte, vous la jouez, ma peine. Percé ton bâton de la maille, Jonas Mbès et Jean-Jacques Bois. Quand à la liste, Baba y'a pas de chopanda. King Kemulumba le sof, Bakala Yangolo. Na komi le loyo, ami à tristesse. Trésor Kandol, a konyo ki mangai. Kole katambanga, bank le championnage olympique. Na mileli, mawa papa. biso et pitié de moi wana nena ko vivre ni sous sous et amour encore plus longtemps. Pourquoi vraiment on dit que mon mangue malala on dit que tu ka pamoko ya no walo yo kinga mawate papa ne jose na gadi ngia mama na sele maye ne bijo emi ma pata sambele la na mama pasteur. De la jeunesse congolaise, Mitterrand, Sungu, Champagne, vrai Joe. Nazana tenya, ya bolingo na yo, atanani na meli, meli kamayi, jamais la tigala kotona. Nazana tenya, ya bolingo na yo, atanani na meli, meli kamayi, jamais la tigala kotona, muna yo. Medica, ma vitere salaka peke. Natota mata boko, non so che si vite explication mongana. Apena wela kyoringa yo, sumbuna konye, natula kite. Ya mona gono mama, kagita nga notisi. Ya bolimo na yo, beba bota mama. Namokini mokolo wanate, akwaye bake longya baboti. Wanye, champagne bolimo na peta mwe bota mati. Namote manangayi. Et l'on a senti mal à moi, je vais quitter. Y'a mon déménage, j'ai la montée, ma sœur n'a fait son préavis. Quoi la monga qui dit, bah, elle va m'astabal lobby, qu'elle m'a baillé à colo. Est-ce que paix, moi, Zalina Landa, les athées, on m'a soué l'on a libango, non, c'est bébé, t'as qui, non, on a comité, on m'a mis bowling, on a gagné, Excellence Isidore Fouba, président du RMP. Claudia Sassou, la fille à papa. C'est de mon ami Maurice Changani. Mitterrand sous mon yébi. Nous élégions à la finanga. Apesa gacha, c'est la mort qui. Zamboti Kelina qui kingeto. Mikotisa na bolingo yo, gozu wanga no basantima. Mikotisa na bolingo yo, gozu wanga ne ba plaisir. Mimi chike baye, milche. Alain Zeza. Est-ce que mon dieu manel te boki? Nana moni bolingo so pani. Chéri, yo li mwenga, naye. Ariette Medi. Ebe mata esu na moli sasi. Ebe mbeko kufa double. Teklo de ponda na kufi na anga double. Jobo Fasa Fashion. Mitterrand Champagne, Banzake Bolingwe Bomaka, Eric Ebola, Yevanke Bolingwe Bomaka, Bove Maipa, Imperatrice Najobu Salanga moi bien, Pasio Yo Chalen Masiala, Ami Pesanayo, Chimene Lopez et Maman. Qui vous a dit dans ma vie j'avais déjà quelqu'un, Bona Bosana. Achada ye na mote mananga Oye na linda ya veo sami pendesha Azana susa koli kukote Yango wana Pose komba voze na mkua Yamwezo sana na santima Pose komba voze na mkua Yamwezo pesa na santimo ya lavando PDG Richard Majeko Bolingo wana bagola zofo mandeke Yango wana zela kananu Lukola mapele zela gabozo nyafunga Natangwe langa yanga sans espoir. Sukinzo makozo ngelanga ye ye ye. Kenfeto, nasa Kalubi, Tatiana Chanele, Aisha Ti, Oza Wapi, Cédric Mbui, Imalala Yamatiti, Goliath Mizula Bondelaka, Armin Kuba, Chalène Doudia Bondelaka, Moussa Kasai, Patrick Mena, Chana Mokendia Bondelaka, Chiba Chibasu, Eme Sou, Nanoka Tope Yalela, Itera Sou, Ah, Bongo Bongo, Satellite sans Fukiran. Yapoli est longue à Colobilam. Elia, le gros bébé de papa Isidore. Lenny Bidens. Chéri privilège, je m'attabonne, maman. Alain ma folle. Atana Nengaya, c'est ma nako chérie. Et c'est fait qu'un autre Kingana, c'est nous qui va. Oh, Batia Lobo, Koyanza, mais Miss Mago, ça, ça. C'est Rocco Martini Nalola Nangayo Lorette Kopo Percy Tumba Coursi Prêt Si la zétoye Bissana Nadeshkaye Nagoya Yadi Lusano Fezaya Nese Chubu Chubu Manakuto Nadeshe Teka Lingaka Natali Punya Lingaka Mesome Nene Koksine Sheria Aurélie La Friandise L'opès automatique. Fendi Ford. Feli Assé. Serrez votre ceinture. Bientôt nous allons décoller. Yes, Sopa. Sopa. Miss Marco Sassa. Donatella la beauté qui part. Oh, Alpha Tango. producteur, manager, PPC na Congo. Alex Fumusi, hymne national.